Section 110 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 110. Jacob. Souvenir de Noël 1870. Par André Thurier. Le 15 décembre 1870, notre bataillon de mobilisés vint se cantonner aux avant-postes de Vitry-sur-Seine. Nous étions logés dans une rue qui va de la grande route à l'église, non loin de la fontaine, dont la vasque de pierre servait à nos ablutions matinales. Je ne sais si la maison a survécu aux péripéties du siège et de la commune, car elle était déjà bien vieille et bien délabrée quand le bataillon s'y installa. Et nous la laissâmes dans un piteux état au départ. C'était, je crois, un ancien entrepôt de vin, aux vastes remises, aux étages irréguliers, desservi par un escalier tortueux et obscur. La pluie y entrait comme chez elle, par les trous du toit. Les portes disjointes ne fermaient plus, et les vitres étaient éborgnées. N'importe, notre escouade s'installa joyeusement dans les deux pièces du premier étage qui lui étaient assignées. On commença par supprimer une cloison pour ne faire du tout qu'une large chambrée. On calfeutra les fenêtres avec de vieux journaux et on alla dans le parc voisin prendre une provision de bois vert pour la cheminée qui flamba jour et nuit. Notre escouade était singulièrement composée. Elle offrait en petit l'image du bataillon où se trouvaient rassemblés les éléments les plus divers et les plus hétérogènes. Il y avait d'abord le caporal, un garçon boucher, puis un professeur de philosophie sorti l'année d'avant de l'école normale, un paysagiste féroce et grincheux qui bougonnait sans cesse, un clerc d'huissier, un vieil acteur du théâtre Montparnasse qui était devenu notre clairon, un socialiste entêté et fanatique que nous avions promu aux fonctions de cuisinier. Enfin, un garçon d'une trentaine d'années, doux, timide et mélancolique, qui se nommait Jacob. Dans ce milieu tapageur et indiscipliné, Jacob représentait l'homme du devoir, soumis patiemment à toutes les exigences du service, astiquant consciencieusement son fusil, exécutant sans murmurer les ordres de ses chefs, faisant scrupuleusement sa corvée et même celle des autres. Tout ce monde disparate vivait en assez bonne harmonie et dès le soir de l'installation, on s'était entendu pour transformer le triste gîte qui nous était échu en une habitation aussi confortable et hospitalière que possible. On ne nous laissa pas le loisir de nous y accagarnier. Le surlendemain matin, nous fûmes envoyés en grand garde aux tranchées. On partit après le café, par une petite pluie glaciale, qui promettait de durer toute la journée. Les grandes gardes étaient postées à mi-chemin de Vitry et de Choisy-le-Roi. On traversait un vieux parc dont les arbres centenaires, abattus par le génie, encombraient les allées. Puis on coupait en biais une longue prairie. Et l'on arrivait à la tranchée, non loin de la Seine, à deux pas d'une redoute récemment construite. Là, on nous égrena dans le fossé, protégé du côté de l'ennemi par un revêtement en terre, et où nos prédécesseurs avaient construit de distance en distance des gourbis de branchages qui nous abritaient tant bien que mal contre l'averse. Ce n'était pas précisément un lieu de délices, et nous trouvions que les heures s'y traînaient comme si elles eussent eu du plomb aux ailes. Du reste, rien à faire qu'à rester debout, l'arme aux pieds, avec défense de parler haut et d'allumer du feu. Notre seule distraction était d'entendre de temps en temps le bourdonnement de mouches, d'une balle qui venait des avant-postes prussiens et passait au-dessus de nous dans l'air humide. Pendant le jour, ce fut encore supportable, mais la nuit, notre situation s'aggrava de toutes les petites misères qu'amène avec elle une complète obscurité. quand on ne peut ni se promener, ni s'asseoir. Le ciel était d'un noir d'encre, la pluie tombait toujours, le fond du fossé était devenu une flaque d'eau, et le talus était si détrempé, si boueux, que nous osions à peine nous y appuyer pour délasser un moment nos jambes endolories. Ajoutez à cela le supplice d'un sommeil qui vous tombe sur les paupières et auquel il faut bon gré malgré résister. Involontairement, les yeux se fermaient et on s'abandonnait à une somnolence de quelques minutes. Puis, on en était brusquement tiré par un coup de feu, parti on ne savait d'où, et qui mettait en alarme toute cette enfilade de soldats nerveux et inexpérimentés. Peu à peu, le silence se rétablissait. On cédait à un second étourdissement jusqu'à ce qu'une nouvelle alerte vous fît sursauter dans la boue. Nous commencions tous à maugréer. Jacob seul, pendant la première partie de la nuit, avait gardé une contenance stoïque. Appuyé sur son flingot, la tête baissée, le dos arrondi, il mordait rageusement un vieux morceau de biscuit. Mais les natures les plus concentrées sont aussi les plus exposibles. Et vers 4 heures du matin, trempé jusqu'aux os, grelottant, énervé, n'en pouvant plus, le doux Jacob éclata violemment. Il laissa tomber son fusil, arracha de ses épaules son sac, le lança dans la tranchée boueuse, s'assit dessus et les poings dans les yeux se mit à sangloter bruyamment. « J'en ai assez !» criait-il entre deux hoquets convulsifs. « C'est plus fort que moi. Je n'ai jamais fait que mon devoir. Je n'ai jamais dit de mal du gouvernement. Mais quand je songe que j'ai laissé à Paris, sans feu et sans personne, ma vieille mère, c'est moi qui lui gagne sa vie. Tandis que je fais ce métier de propre à rien, elle meurt de faim peut-être là-bas. Et quand je pense que je ne reviendrai qu'estropié ou malade, ah, je voudrais voir ici tous ceux qui nous ont amené cette guerre. Je voudrais les voir crever de froid dans la boue et endurer ce que j'endure. » Il sanglotait violemment et tous attroupés, nous écoutions avec effarement le pauvre garçon exhaler sa plainte dans la nuit pluvieuse. Tout à coup, partant du talus, une voix encolérée et brutale interpella le malheureux Jacob. « Eh, là-bas, qu'est-ce que vous fla ? Caporal de poste, qu'est-ce que c'est que cet homme-là ? C'est Jacob, mon capitaine. Il est malade. Malade ? Il est gris comme un polonais. Quand nous serons rentrés au campement, vous me le fourrerez 48 heures au clou. » Jacob fit ses 48 heures au clou et il n'eut pas ses aises, car lorsqu'il en revint, il était plus triste et plus pâle encore qu'avant. Dans l'intervalle, le temps s'était mis à la gelée. C'était le commencement de ce terrible froid qui marqua la fin de décembre 1870. Malgré le feu flambant que nous entretenions dans la chambrée, nous grelottions la nuit sur le carrelage où nous couchions et nous pouvions à peine dormir. Jacob était mon voisin de lit et je l'entendais trembler sous sa mince couverture. Quand il sommeillait un instant, c'était pour rêver tout haut du petit logement de la rue des Missions où il avait laissé sa mère. Puis le canon de Bicêtre, qui ne se taisait ni jour ni nuit, le réveillait en sursaut et il se remettait à claquer des dents. La veille de Noël, la neige couvrait toute la plaine de Vitry et comme c'était pour nous jour de repos, nous nous promettions de passer chaudement la soirée autour de notre cheminée. Notre cuisinier, le disciple de Blanqui, s'était procuré de la farine et nous avait promis des crêpes pour faire réveillon. Vers 8 heures, nous étions en train de préparer la pâte, en fumant nos pipes, quand le sergent-major entra brusquement dans la chambrée. Tout le monde, sac au dos, et dans un quart d'heure sur la place. On part en grande garde, ordre de l'état-major. Ce fut d'abord un concert de grognements et de récriminations. Puis on obéit, ne pouvant faire autrement. Nous procédâmes en hâte au paquetage et laissant près de notre bon feu les crêpes inachevées, nous descendîmes en armes sur la place. Le peloton se forma et dans l'obscurité, nous traversâmes en trébuchant la plaine toute blanche. La neige avait cessé, le ciel s'était éclairci et il faisait un froid de loup. Quand nous fûmes près de la redoute, on posa les sentinelles et le reste du bataillon fit halte sous un baraquement en planche. Je vois encore l'endroit, la scène gelée et muette, le ciel fourmillant d'étoiles et les hommes attroupés en masse noire à la porte du baraquement. Sous la canonnière, prise dans les glaces, un marin breton chantait seul dans la nuit une chanson paysanne. Et c'était quelque chose de navrant que cette mélodie rustique, montant lentement dans cette délicieuse nuit de Noël. Jacob était plus sombre et plus triste encore que de coutume. Comme couronnement de ses 48 heures de clous, le capitaine lui avait infligé 4 heures de faction supplémentaires et son tour allait venir. En effet, vers minuit, le caporal de poste appela le numéro 8. C'était le numéro de Jacob. Il s'exécuta sans broncher et on le posa en sentinelle avancée dans une sorte de trou creusé à 25 ou 30 pas au-delà de la tranchée. « Brrr !» dit le caporal, rentrant dans le baraquement et en lampant un doigt de rhum. « Je ne sens plus mes mains. Les hommes de faction n'auront pas chaud. » Au matin, le soleil de Noël se leva doucement dans un nimbe de nuées roses. La plaine neigeuse, toute glacée de frimas, était charmante. La diane sonnait dans les campements. Les artilleurs de la redoute se redressaient en battant la semelle. 4 chevaux, dont l'un était monté par un cavalier enveloppé dans son manteau gris, nous amenaient une pièce de siège, et l'attelage s'enlevait vigoureusement en noir sur les blancheurs rosées de la plaine. Les hommes de corvée allaient puiser de l'eau à la Seine, et on les voyait revenir, trébuchants et courbés sous le poids des bidons. Malgré le froid boréal de la nuit et les préoccupations de chacun, il y avait quelque chose de gai et de réconfortant dans ce réveil matinal en plein soleil. Un coup de canon partit de Bicêtre, et un obus passa en sifflant au-dessus de nous. En même temps, notre clairon jeta dans l'air sonore 3 ou 4 notes claires. L'appel. Tout le bataillon se rangea sur 2 lignes en avant de la tranchée et on fit l'appel par compagnie. Quand on arriva à notre escouade et qu'on cria « Jacob !», personne ne répondit. « Jacob !» répéta le capitaine furieux. Alors nous nous aperçûmes de l'absence du camarade. « Est-ce qu'il serait resté dans son trou ?» insinua le caporal. On y courut après l'appel. Le caporal avait raison. Il était là, dans le trou, la face bleuie, les yeux clos, serrant dans son bras raidi son fusil couvert de givre. Le pauvre Jacob n'avait pu résister au sommeil et il était mort gelé pendant sa faction supplémentaire. Fin de la section 110, lue par Margot.